Amis du rock, bonjour. C'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver en ce lundi matin 18 septembre pour 2h30 d'excellente musique et de séquences qui devraient vous ravir, du moins je l'espère. En effet, le format de l'émission a été sensiblement réduit. On passe désormais de 3 heures d'émission à 2h30, comme je suis maintenant présent toutes les semaines. Jean-Marie en votre compagnie, donc jusqu'à 11h30. Et c'est une semaine particulièrement triste qui vient de s'achever suite à la disparition tragique d'Alfred Gaden, le bourgmestre tant aimé de notre bonne ville de Moucron. Et vous avez été très nombreux à lui rendre hommage ce samedi lors de ses funérailles. Avec beaucoup de dignité et de respect, les Moucronois lui ont témoigné toute leur gratitude et leur tristesse. Et de cette cérémonie, je ne retiendrai qu'une phrase prononcée par un membre de sa famille : privilégier l'amour plutôt que la haine et la vengeance. Et après un tel cauchemar, difficile de revenir les pieds sur terre. Malheureusement, ou plutôt heureusement, la vie reprend toujours le dessus. Même si ce lundi, nous nous sentons toujours orphelins, nous avons tous repris, bon gré malgré ce lundi matin, le cours normal de nos activités. Et après cette semaine et ce week-end malheureusement riche en émotions pour les Moucronois et aussi pour d'autres, heureusement, il y a la musique pour nous redonner un peu de morale. Et comme le chantait si bien l'ami Freddy, « The show must go on ». Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Take it anymore. The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave. fairy tales of yesterday. We'll grow but never die. I can fly, my friend. The show must go on. Hey. The show must go on. I'll face it with a grin. C'était donc Freddie Mercury et Queen, The Show Must Go On. Et auparavant, nous avons débuté l'émission avec Supertramp, The Logical Song, extrait de l'album Breakfast in America de 1979. Et pour entamer notre séquence anniversaire, partons maintenant le 18 septembre, bien entendu, mais revenons en 1960 et Frankie Avalon qui reçoit les $600,000 qu'il avait gagnés pour son hit Venus, qui s'était hissé à la première place des charts l'année précédente. Pourquoi, me direz-vous, n'a-t-il pas reçu son argent immédiatement ? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, il était encore mineur au moment du succès de ce titre, Venus, Frankie Avalon. In my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair. A lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can't be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. Give her all the love I have to give, as long as we both shall live. Hey, Venus, oh Venus, make my wish come true. Frankie Avalon, Venus en 1959. Et triste journée aussi pour le monde de la musique que ce 18 septembre 1970. Ce jour-là, Radio One en Angleterre diffusait un jingle réalisé par un certain Jimi Hendrix. C'est aussi via cette radio qu'on apprenait ce jour-là que James Marshall Hendrix, né Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle, aux États-Unis, venait de décéder au St. Mary Abbott's Hospital de Londres, en Angleterre. Voici Jimi Hendrix, Crashed on Traffic. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là. C'est une machine à explorer le temps. Un grand modèle pourrait transporter un homme. Living in the past. La machine à remonter le temps. J'ai rêvé que je voyageais dans le passé. Vous êtes tombé, votre tête a heurté la château. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venue l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. Let's go. Les Who, Won't Get Fooled Again, en 1971, sur l'album Who's Next. We'll be fighting. Fabuleux, Won't Get Fooled Again des Who sur l'album Who's Next de 1971. Et Won't Get Fooled Again, ce n'est pas seulement la musique d'une série américaine bien connue, c'est surtout un extrait de ce fabuleux album Who's Next qui fut le premier mais aussi le seul des Who à prendre la première place des classements dans son propre pays d'origine. Et ce, le 18 septembre 1971. Quant au 18 septembre 1984, David Bowie gagnait le MTV Awards de la meilleure vidéo de l'année avec ce titre « China Girl ». We'll be right back. Inoubliable, David Bowie et son China Girl, extrait de l'album Let's Dance de 1983. Et on poursuit notre séquence anniversaire. Tout d'abord, en réitérant un bon anniversaire à Jérémy, qui a pris l'habitude de nous écouter le lundi matin dans son bureau. Et un petit coucou également à Liliane et Henri, ainsi qu'à tous les marcheurs du club de Moucron Vitaform qui ont promis d'être à l'écoute ce matin. Bon anniversaire aussi au batteur des Doobie Brothers, Mike Ozak, qui est né un 18 septembre 1946. C'est aussi l'anniversaire d'un autre batteur, Martin Frosty Beadle des Cutting Crow, qui est né lui en 1961. Et puis une année plus tard, c'est Joan Catterall, la chanteuse des Human League, qui est venu au monde. Mais voici pour commencer les Doobie Brothers, What a Fool Believes. Thank you. Living in the Past. Le rock en balade. Thank you. You want me baby, Human League, les sonorités des années 80 qui nous sont très chères. Et nous étions en 1981 sur l'album Dare, et auparavant vous avez reconnu sans peine Cutting Crow avec Just Die in Your Arms, extrait de l'album Broadcast de 1986. Difficile de faire la transition maintenant puisqu'on change totalement de genre musical, un peu de country rock pour clôturer cette séquence anniversaire. Notre manière à nous de saluer la mémoire de Don Williams dont nous avons appris via les médias d'outre-Atlantique qu'il était décédé le vendredi 8 septembre, âgé de 78 ans. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Pourtant, Don Williams, qui est né au Texas en 1939, avait débuté sa carrière solo en 1971 et considéré à la fois comme un crooner, un chanteur de country. Il avait sorti en 2014 son dernier album, soit 2 ans avant l'annonce de sa retraite artistique. N'oublions pas quand même qu'il a classé pas moins de 17 de ses titres à la première place des charts, parmi lesquels Tulsa Time. Driving in a Pontiac, just a about to lose my mind. I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy, I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no fooling, I don't need no more schooling, I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it, when I set my watch back to it, living on Tulsa time. Songs, guess I'm just a wasting time. Well, then I got to thinking, man, I'm really sinking, and I really had a flash this time. I had no business leaving, and nobody would be grieving if I went on back to Tulsa time. Living on Tulsa time, living on back to it, cause you know I've been through it, living on Tulsa time, living on Tulsa time, living on Tulsa time, gonna set my watch back to it, cause you know I've been through it, living on Tulsa time. Tulsa Time, Don Williams qui vient de nous quitter en ce début de mois de septembre. C'est avec ce titre que nous venons de refermer notre séquence anniversaire du jour. Place maintenant à une autre séquence consacrée cette fois à l'histoire de la musique progressive et pour ceux qui étaient à l'antenne, ceux qui étaient à notre écoute, pardon, la semaine dernière, vous vous souvenez sûrement que nous avons écouté une pièce maîtresse du groupe Emerson, Lake & Palmer, les tableaux d'exposition, pour illustrer que combien les groupes de musique progressive sont allés puiser leur inspiration dans des styles musicaux très divers, dont notamment la musique classique. En effet, ces tableaux d'exposition sont tout simplement une réinterprétation rock and pop de l'œuvre du compositeur russe Modeste Moussorgski. Aujourd'hui, nous consacrons notre séquence au style de composition et on peut dire que la musique progressive se caractérise par un style de composition beaucoup, beaucoup plus complexe et élaboré que le traditionnel couplet-refrain de la chanson pop typique des années 60 qui se limite bien souvent à 2 minutes 30. Ainsi, Supper's Ready de Genesis couvre la presque totalité de la seconde face de l'album Foxtrot de 1972. C'est le morceau que nous allons écouter ce matin. Et les exemples de ce type sont légion à l'époque. Les titres à rallonge sont nombreux.

the musical box. Oh, there's mum and dad and good and bad, and everyone's happy to be here. There's Winston Churchill dressed in drag. He used to be a British flag. Plastic bag, what a drag. The frog was a prince. The prince was a brick. The brick was an egg. The egg was a bird. Fly away, you sweet little thing. They are part of your tail. Haven't you heard? They protect you to a human being. Yes, we're happy as fish. We've got some wild things floating about. Everyone, we're changing everyone. We'll name them all, we've had them here. And the real stars are still to appear. Feel your body melt. My voice to look for. boots. Hey babe, with your guardian eyes so blue. Hey my baby, don't you know our love is true. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce morceau de bravoure baptisé, intitulé Super Shreddy du groupe Genesis, Genesis période Peter Gabriel, extrait, un morceau extrait de l'album Foxtrot de 1972. C'est la période dorée pour cette formation qui se stabilise enfin après de nombreux changements de personnel. Donc le groupe est à l'époque composé de 5 membres. On retrouve d'abord Peter Gabriel au chant, à la flûte et aux percussions, Phil Collins à la batterie, percussion et chœur, Tony Banks au clavier et occasionnellement à la guitare acoustique, et enfin Mike Rutherford à la basse et à la guitare d'accompagnement, et Steve Hackett comme lead guitar. On le sait, l'histoire du rock est jalonnée d'événements et de faits, de rencontres totalement improbables, comme ce drôle de pari, mais pourtant bien réel, et qui a fait un carton. Et que je vais maintenant vous narrer. Nous sommes en 1985. Le jeune producteur Rick Rubin a la très bonne idée de réunir en studio le groupe rock, art rock, Aerosmith et Run DMC, les rois du hip-hop. Ensemble, ils signent l'un des plus gros tubes de l'année 86, Walk This Way. Mais avant de nous attarder sur cette rencontre extraordinaire, il convient de refaire un petit tour dans le passé pour comprendre d'où vient ce morceau. Nous sommes en 1975, pour être tout à fait précis, et Aerosmith vient alors de sortir son troisième album, Toys in the Attic, qui reçoit d'ailleurs un excellent accueil tant de la critique que du public. Et 4 singles en seront extraits, dont notamment ce Rock This Way. Mais malheureusement, à l'époque, ce 45 tours ne rencontrera pas le succès escompté. C'était donc la version originale par Aerosmith de ce Walk This Way, sorti en 1975 sur l'album Toys in the Attic. Et 10 ans plus tard, soit en 1985, Aerosmith est malheureusement en perte de vitesse. Il a du mal à s'intégrer dans les 80s et ses albums ne se vendent plus. Le groupe a besoin d'un coup de frais et dans le même temps, le hip-hop fait une sérieuse percée aux States et le groupe Run DMC a le vent en poupe. Il cartonne dans les charts. Derrière la production de Run DMC, on retrouve le très jeune Rick Rubin qui, à l'époque, n'a pas encore travaillé avec les Red Hot Chili Peppers, AC/DC, Johnny Cash ou encore Rage Against the Machine comme il le fera plus tard. Celui-ci entend un jour Jam Master Jay, un des membres de Run DMC, sampler le rire de Walk This Way pour un nouveau mix. Eric Rubin a alors une idée lumineuse qui s'avérera géniale. Demander à Run DMC de reprendre ce disque d'Aerosmith, mais en collaboration avec le groupe de Art Rock. Et si Run DMC se montre très hésitant au départ, il finira quand même par accepter et relever le défi. Le résultat sera un total win-win pour les deux formations. Run DMC augmentera considérablement son crédit auprès des Américains blancs fans de rock, tandis que Aerosmith se fera une nouvelle santé. En effet, ce titre qui résonnera durant toute l'année 1986 relancera totalement sa carrière. Et ce morceau s'installera directement comme un grand classique et il sera une source d'inspiration aussi pour des groupes comme Rage Against the Machine, Limp Bizkit et de nombreux autres. En vérité, la fusion entre le rap et le rock à travers la rencontre Aerosmith Run DMC engendrera une véritable révolution musicale. Get this up, backseat level. That's always undercover. And Une fois n'est pas coutume, on vient de faire une petite digression, une petite intrusion dans le monde du hip-hop. Et on va poursuivre maintenant avec un autre classique, toujours avec les sonorités des années 80. On en aura pas mal ce matin au niveau des années 80. Je vais vous parler de Video Killed the Radio Star, de Buggles et du lancement d'MTV. Certains musiciens s'avèrent être de véritables visionnaires. On pense à Jim Morrison qui imaginera l'immense succès de la musique électro et ce dès 1969. Quant aux Beatles, ils seront sans s'en rendre compte des pionniers du hard rock avec Helter Skelter. Et 10 ans plus tard, soit en 1979, un étrange duo nous annoncera l'arrivée imminente de la génération MTV. Son nom, The Buggles, son titre, Video Killed the Radio Star. En français, la vidéo a tué la star de la radio. Enfin, il y a des limites, il ne faut pas exagérer, sinon à quoi je sers encore? Et les Buggles, c'est un duo qui se formera en 1977 autour du noyau dur composé de Geoff Downes et Trevor Horns. C'est le disco qui va permettre aux deux compères de se rencontrer et d'écrire ensuite ce titre. Les deux musiciens accompagnent alors une certaine Tina Charles qui deviendra la petite amie de Trevor Horns durant quelques temps. Tina Charles, ça ne vous dit peut-être plus rien grand-chose, sauf si je vous dis « I love to love ». Mais pour commencer, voici, retrouvons les Buggles, Video Killed the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Living in the Past. De la pop en stock. Alors, vous avez reconnu Tina Charles, I Love to Love. Mais revenons aux Buggles. Le titre Video Killed Radio Star s'impose comme l'extrait phare de leur premier album, The Age of Plastic. L'âge du plastique, du pétrole, on est en plein dedans en 1979. Et ce titre prophétique connaîtra un succès gigantesque. Il s'imposera à la première place des hit-parades dans pas moins de 16 pays, dont leur pays natal, l'Angleterre. Encore plus fou, le morceau connaîtra une seconde jeunesse en 1981. Et entrera ainsi définitivement au panthéon de l'histoire de la musique. Video Killed the Radio Star est le morceau idéal pour lancer la nouvelle chaîne musicale MTV. Cela se passera le 5 août 1981 à 12h01 heure de New York. Et pour lancer ce nouveau produit révolutionnaire, MTV aura la bonne idée d'utiliser les images du lancement de la navette spatiale Columbia qui ont eu lieu quelques mois plus tôt, ainsi que les images du lancement d'Apollo 11. La fusée MTV était ainsi définitivement lancée et propulsée dans l'espace. Et si les stars de la radio y survivront formellement, l'arrivée de MTV changera la donne pour tous les groupes et interprètes. Dorénavant, la création d'un vidéoclip deviendra pratiquement indispensable. L'aventure Buggles sera malheureusement de très courte durée. Deux petits albums et puis s'en vont. Trevor Horns s'imposera ensuite comme un des plus importants producteurs des années 80 et 90. Il a su rebondir et il travaillera notamment avec des groupes comme, ou des interprètes comme Frankie Goes to Hollywood, la grande et superbe Grace Jones ou encore Seal, tous des artistes que nous retrouvons maintenant. Voici tout d'abord Frankie Goes to Hollywood avec Relax. J'espère que vous l'êtes chez vous. C'est 95 FM.

Nous avons enchaîné successivement Frankie Goes to Hollywood et Relax de 1984 sur l'album Welcome to the Pleasure Dome. Grace Jones, I've Seen That Face Before, extrait de l'album de 1981, Night Clubbing, et enfin Seal et son Crazy de 1991. Place maintenant à tout à fait autre chose, on retrouve un peu notre ambiance habituelle, un peu rock, avec Dire Straits et un extrait de leur album Love Over Gold, le quatrième album de 1982, et un des morceaux emblématiques Telegraph Road. Alors... quand on suit chronologiquement la carrière de Dire Straits, deux choses frappent totalement lorsqu'on écoute cet album Love Over Gold. La première, c'est le changement spectaculaire du son. Les ambiances un peu Tennessee, piano bar, rock, Springsteenien ont été remplacées par un son atmosphérique parfait. Et la deuxième, c'est que c'est extraordinairement réussi, alors qu'on aurait pu facilement détester cette perte d'authenticité. Mark Knopfler nous avait déjà montré sa palette de talents, guitare bien sûr, mais aussi chant, et surtout composition, et Love Over Gold, c'est la confirmation de son ambition qui va bien au-delà du blues country abordé au début de sa carrière. Voici Telegraph Road. And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cool lake shore. The other travelers came walking down the track. And he never went further, no, they never went. The Telegraph Road. Then came the mines, then came the arms. traffic, three lanes moving slow. Thank you. Superbe morceau de bravoure, Kiss Telegraph Road, The Dire Straits, 13 minutes 49 de bonheur, extrait de cet album splendide qu'est Love Over Gold de 1982. Et poursuivre un autre groupe mythique, les Pink Floyd, nous les retrouvons en 1975. L'âge d'or du progressif est en passe de s'achever. Pink Floyd l'a traversé avec gloire. Leur précédent album, The Dark Side of the Moon, les a rendus millionnaires. Dixit Gilmour, Dark Side était pour nous une ligne d'arrivée autant artistique que sur le plan de notre carrière. Difficile après ce flamboyant exercice de style de persévérer, car les Floyd sont désormais moins qu'un groupe. Une étrange tristesse pèse sur leurs épaules à l'heure où ils se retrouvent en studio pour composer leur nouvel album qui deviendra « Wish You Were Here ». Le temps des tournées campagnardes et du psychédélisme est loin. Ils sont maintenant une énorme machine et le show business a broyé leurs illusions en même temps que leur amitié. Et c'est le premier album sur lequel on commence à voir Waters s'exposer comme le leader du groupe, notamment en signant cet inquiétant « Welcome to the Machine » qui est une angoissante description du monde du rock. We'll be right back. C'était donc les Pink Floyd's Welcome the Machine. Voilà, une petite hésitation, une petite erreur au niveau du lancement du prochain morceau. Donc, c'était Welcome to the Machine, extrait de l'album Wish You Were Here des Pink Floyd. On poursuit notre périple historique avec un morceau d'un groupe tout aussi célèbre, enfin, dans son genre. Il s'agit du groupe Traffic que l'on retrouve ici en 1971 sur l'album The Low Spark of High Elite Boys. Et cet album marque vraiment une transition pour le groupe, car celui-ci, après le départ définitif de Nick Mason, le groupe change complètement de son. Il s'éloigne totalement de la soul pour se positionner sur un mélange progressif de jazz, de funk, de rock et de pop. Et ce véritable nouvel album se révèle aussi plus novateur grâce à une pochette découpée en un effet cube très design pour l'époque, réalisé, enfin que l'on doit à l'artiste Tony Wright. Voici la plage titulaire de cet album, The Low Spark of High Elite Boys. Il est 11h21 sur les ondes d'RQC. they granted you one final wish, would you ask for something like another chance? Or something similar as this? Don't worry too much, it'll happen to you. We'll be right back. C'est avec cet excellent morceau de Traffic, qui est la plage titulaire de l'album de 1971 The Low Spark of High-Heeled Boys que s'achève notre émission dans cette matinée du 18 septembre 2017. Comme d'habitude, nous avons voyagé dans des univers et des styles musicaux très différents, des époques aussi très varié, et j'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je ne vais pas vous quitter sans vous avoir fait deux petites annonces locales. Tout d'abord, une annonce qui concerne le Centre culturel Marius Taquet, qui reçoit le 17 octobre un groupe Génération 60s et qui est issu de la fusion du groupe Édition Spéciale et du quintet de JP Dumoulin. Génération 60s vous fera visiter ou revisiter les succès des Beatles, de Johnny Hallyday, des Chaussettes Noires, des Shadows, des Rolling Stones, d'Elvis Presley, de Ray Charles, Stevie Wonder, ainsi que des standards américains. Un très beau programme en l'occurrence. Et puis enfin, le Wap du Wap, situé au numéro 20 de la rue du Beauchêne à Moucron, vous propose The New Marquee ce 22 septembre, c'est-à-dire dans 4 jours, un groupe 100% rock, ainsi que le Rocking Shot, un rock and roll band qui se produira quant à lui le 22 octobre prochain. L'heure est venue pour moi de vous souhaiter une excellente semaine et de vous donner rendez-vous à lundi. Lundi prochain, nous serons le 25 septembre. Rendez-vous entre 9h et 11h30. Bye bye, portez-vous bien. Living in the Past. Le meilleur du classique. A little